J'arrive sur la plage, naked sans mémoire, un colt invisé, mais déjà l'envie de gloire. Rust m'accueille cruel, mais je connais la loi. Un cowboy dans la boue. Bâtira sa voix. Je ramasse les pierres, je crafterai de quoi survivre. Chaque arbre qui tombe me rappelle que je suis libre. Les lourds hurlent loin, la nuit veut m'avaler. Mais mes mains de cône savent encaisser. Je croise d'autres necks, certains tendent la même ruse. C'est très triste, je les descends matin. Far West ou serveur, même loi sans pardon. Le plus rapide tire dans le coton. War rig en flamme, cowboy never die. Resforge mon âme sous ces bloody skies. From desert dust to scrap and steel, I ride alone. My fate is real. J'entre au tunnel sombre, lampe crachée de ferraille. Chaque couloir résonne le passé d'un autre rail. Les bottes tirent sans cesse, mais je connais le pas. Un cowboy apprend vite, même quand le monde l'écrase. Un frère dans l'ombre m'a tendu son fusil. On a pillé ensemble la base des ennemis. Deux cowboys modernes, de la poussière au serveur, nos tirs synchronisés, en cœur en fureur. Charge les C4, vise leur cœur pierre. Leur coffre explose, y'a que le feu pour prière. Dans l'ombre des flammes, nos bottes frappent fort, les cris s'étouffent vite. Sous la poudre et la mort. War rig en flamme, cowboy never dies. Resforge mon âme sous ces bloody skies. From desert dust to scrap and steel, I ride alone. My fate is. J'ai vu leurs coffres pleurer, j'ai pris leurs clés rouillées. Chaque mur effondré, un serment brisé. Le serveur résonne mon nom dans la nuit. Cowboy de Russe, j'apporte l'infini. Le feu brûle encore, les chevaux s'éloignent. L'écho des éperons dans la poussière témoigne. Far West ou Rust, ma légende se trace. Un cowboy sans fin qui chevauche l'espace. Oh, I rig en flamme, cowboy never die. Resforge mon âme sous ces bloody skies. From desert fate is real. Je ne suis plus de l'Ouest, ni de ce temps perdu. Restez mon désert, où le sang s'est vendu. Un cow-boy renaît, la ferraille et des braises. Rider's Kill domine, et le serveur s'apaise. Bye.